le prophète sallallahu alayhi wa sallam et du véritable islam. Et en résumé, pour conclure, donc on a dit que la politique était du domaine des savants et que les petits qui parlent des savants et qu'ils critiquent et qu'ils disent que la politique est de leur domaine, cela en vérité, si les gens les suivent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas véritablement la valeur des savants. Comme certains ont dit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît que les petites rivières, quand il voit le fleuve, il connaît alors la véritable valeur des petites rivières. Et telle l'histoire de celui qui était aveugle, que racontent certains, qui était aveugle, puis auquel Dieu a rendu la vue. Et quand Dieu lui a rendu la vue, il a vu la trompe de l'éléphant. Juste après cette vision, Dieu lui a ôté la vue une deuxième fois. Et après cela, à chaque fois que quelqu'un lui parlait de quelque chose, il posait la question, comment est-elle cette chose vis-à-vis de la trompe de l'éléphant? Est-elle plus grande? Est-elle plus petite? À chaque fois qu'on lui parlait de quelque chose, par exemple du chameau, il lui posait la question, comment est-il par rapport à la trompe du chameau? C'est pour cela que l'individu ne doit pas laisser les grands savants pour ceux qui se prétendent savants, et plus encore si cela font partie d'une secte déviée. C'est pour ça dans le hadith authentique qu'a rapporté Abdullah ibn Mubarak dans son livre Zot, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min ashrafi sa'a an yultamasa al-ilmu inda al-asagir » C'est-à-dire, parmi les signes de l'approche de la fin du temps, c'est qu'on voit les gens aller apprendre chez les petits. Aller apprendre, prendre la science chez les petits. Et Abdullah ibn Mubarak, il a expliqué ce que veut dire les petits. Il a dit Al-Asagir Ahlul Bida, c'est-à-dire, ce sont les membres des sectes déviés. Et Dieu dans le Coran, il a dit Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. C'est-à-dire, échangez-vous ce qui n'est pas bon, ce qui est bas, avec ce qui est meilleur. C'est pour ça qu'une personne a posé la question à l'imam Ahmed. De chez qui on prend le ilm? C'est-à-dire, l'imam Ahmed s'il فقال عليكم بهناد وبسفيان بن وكيع وبابن أبي عمر وإياكم أن تكتبوا يعني أن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الأثر والسنن. C'est-à-dire, il a donné des noms prestigieux de grands savants, Sufyan ibn Waqi, Hannad. Il a dit à ceux qui lui posaient la question de chez qui on prend le ilm, il a donné ces noms-là. Il a dit, il n'écrivait rien des membres de cette déviée. Que ce soit petit, que ce soit peu, ou que ce soit beaucoup, n'écrivait rien du tout. Et suivez les gens qui se comprennent au hadith, qui se comprennent au athar de salaf. Quant aux petits dont on a parlé, il ne leur appartient que de se taire devant les grands. Et c'est pour cela qu'Abdallah ibn Mubarak, il était en présence de Sofiane ibn Uyayna. Et Abdullah ibn Mubarak n'est pas un petit, mais par modestie, il a prononcé la phrase qu'on va entendre, mais pour éduquer les gens qui entendent, pour éduquer la nation, pour leur montrer le respect qu'on doit donner aux savants. Une personne lui a posé une question, comme j'ai dit, Abdullah ibn Mubarak, devant, en présence de Sofiane ibn Uyayna. Alors Abdullah ibn Mubarak a dit Inna nuhina an natakallama 'inda akabirina. C'est-à-dire, il nous était interdit de parler en présence des grands. Et ceci, au sujet de sujets ordinaires, un peu importants. Alors, quand la chose devient importante, l'interdiction s'affirme de plus en plus. C'est pour ça que Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est un grand sahabi, radiyallahu anhu, il a dit مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبين هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاية فطريقة والتبس عليهم فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخوا فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق فهؤلاء هم الجماعة. Ce récit-là est rapporté par Abu Sulaiman al-Khattabi dans son livre Al-Uzla. Et quand est-ce que Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu a dit cette parole? C'est quand certains l'ont appelé à participer à la fitna qui est arrivée entre les compagnons radiallahu anhum ajma'in. Et lui, radiallahu anhu, malgré sa science, il n'a pas pu porter de jugement au sujet de cette affaire délicate qui fait partie, bien sûr, de la politique. Alors qu'a-t-il dit? Il a dit, nous sommes pareils à des individus qui marchaient sur une route bien droite, bien évidente. Et bien sûr, il veut dire, c'est la sunna avant qu'arrive